enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Maman est près de toi, il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois, je vais la chercher, elle est dans son bain, je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important, et il attend. Dis, tu as fait quelque chose à ma maman, elle me fait toujours des grands signes, puis elle dit toujours tout bas. Fais croire que je suis pas là. Oh, raconte-moi, comment est ta maison, apprends-tu bien ça que soir, toute ta leçon. Ouais, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Y'a qu'une signature sur mon carnet, les autres on s'aime leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, j'ai mal depuis 6 ans, et c'est ton âge, mon enfant. Non, j'ai 5 ans, et tu la connaissais ma maman avant, elle m'a jamais parlé de toi, tu restes là. Le téléphone pleure quand elle devient fort, quand je lui crie. Prochaines vacances, à l'hôtel Beau Rivage, aimes-tu la plage? Ouais, j'adore me baigner, maintenant je sais nager. Dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Qui était toi, Sainte-Maxime? Oh, dis-lui, toute ma peine, qu'on vient de tous les deux. Moi, je vous aime. Tu nous aimes, mais je t'ai jamais vu moi. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé toi? Putain, mais tu pleures, pourquoi? Le téléphone pleure. Salut mec, salut mec. On remarque que on n'a pas toujours les enfants qu'on voudrait bien avoir. J'en ai parlé hier à ma deuxième épouse parce que la première est partie avec mon argent. J'avais 2$, non, 3,50$ pour prendre l'autobus. C'est 3,5$. Moi, depuis que je suis bourgeois, depuis que je me promène en bécane. En bécane. T'as l'air d'un bacon, bacon. Moi, c'est Francis Bacon. Francis Bacon. Et puis, ouais, moi, depuis que je suis une bécane. Je suis une bécane à moi tout seul. Je suis une bécane à moi tout seul. Je suis une vraie bécane. Je me fends la gueule. Je me suis coupé moi-même. Hein? C'est comme souvent, lorsque je me rase, je me coupe. quand je faisais ma mise en onde au tout début de CKRL, pas avec cette émission-là, Errance Rénaldienne, mais il y a plusieurs années, nous étions sur Sainte-Ursule. Mon oncle va raconter l'histoire. On la connaît, mais non, on ne sait jamais. On sait, peut-être les auditeurs viennent de se greffer à nous. Vous serez plus capable de vous laisser partir. Hein? Comment? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, je voulais dire que les gens ne pourront pas nous quitter. Je vous le dis. Ça va vous arriver à vous aussi. Mais, oui. Le téléphone pleure quand il ne vient pas. Ta-dam, ta-dam, ta-dam, ta-dam. Le téléphone pleure. Hein? Oui, je sais qu'on l'a entendu, là. J'aime cette chanson-là, moi. J'écoute ça, je peux pas m'empêcher de rire. C'est comme ça quand je ris, moi. J'ai les rires pas mal pleureurs. C'est comme le soul. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Francis Bacon, deux toasts et les tu mayonnaise. Ah oui, Leonard Cohen. Bon, je me souviens même plus ce que je voulais mentionner avant, mais vous êtes très gentil de syntoniser CKRL. Ah oui, vous allez tellement aimer ça, être greffé à CKRL puis à Errance Rénaldienne, que jamais vous allez nous quitter. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais là? Une digestion. Voyons, non, pas devant les auditeurs. Mais non, devant mes oreilles. Oui, mais qui les entend? Qui entend ta voix? Malheureusement, mes auditeurs qui doivent tolérer un criage. Ça, là, moi, c'est comme le vernissage. Hein? Le criage et le vernissage, même combat. Dur combat. Oh, mon Dieu Seigneur. Oh, c'est une belle toile, hein? C'est du... Francis Bacon. Lait mayonnaise ou deux cafés potiques? Deux cafés potiques. Deux cafés potiques. Ah, c'est du beau Francis Bacon. Deux cafés potiques. Ah, parce que je sais que c'est pas bon pour le diabète puis le gravol. Non, c'est pas le gravol, c'est l'hypertension. Ça va bien, toi? Juste à te voir, là, tu viens d'être laissé. Le téléphone ne pleure. Alors, hey, Leonard Cohen ne danse pas que sur les pieds. D'abord. Leonard Cohen ne danse pas sur... On recommence. Rita, peux-tu retourner à la cassette? Position 17. En le 33. Deuxième degré. Quatrième étage. Paye sa pitoune. On va monter. Leonard Cohen ne danse pas sur les pieds, mais sur les cœurs. Oh, everybody knows, already to refrain, everybody, confront, non, everything, everybody knows, hey, t'es vulgaire, ouais. Everybody. Auriez-vous pu commencer votre émission avant, Monsieur Grenier? Pardon? Oh, je vous répète ma phrase parce que je sais qu'elle est complexe. Moi, j'ai une Française troisième idée. Moi. Ma première idée, c'est jamais la meilleure. J'attends la deuxième, la troisième, pff, je la prends. Je suis comme un papillon moi, qui se ferait attraper par un filet. Là. Un filet de papillon. Là. Papillon de nuit. Papillon de nuit pour la vie. Papillon de cœur. Pas mes heures. Lâche les papillons, toi, là. T'es sur le papillon. Il me semblait aussi que t'avais l'air bizarre. T'avais les petits yeux qui clignotaient. Ting, ting, ting, ting, ting, ting. J'ai dit, lui, il est sur le papillon. Hey, trois semaines avant de mourir, mon médecin m'a dit, on va te placer un papillon. Je dis, oh non, pas encore des papillons. Ouais, c'est pour pas te repiquer à plusieurs fois, là, plusieurs reprises à la même fois, puis dans le foie à plusieurs reprises, sinon ça va t'éclater. Ah, oh, mon Dieu. Fait qu'on va repiquer sur le papillon. À chaque fois, on va piquer sur le papillon, papillon, papillon, papillon. Igloo, igloo, igloo, il est de nôtre, il a son papillon comme les autres. On appelle ça à l'hôpital, là, t'es dans un pas un camp de concentration, t'es dans un en phase terminale. Ah mon, t'es couché là, t'attends. T'attends. Comme chez le coiffeur, t'attends. Tu sais qu'on va te la couper. Tu sais que c'est le temps qu'on te la coupe, là. Là, t'es pas prêt, t'as rien réglé, il te reste encore 3-4 chèques à passer, puis mais oh. jours, mais là, ça va pas bien, là. Hein? Tu sens que ça ronge, là, le Pac-Man du cancer. Ça mange. Hé, hey, là, c'est moi au moins 2 mois et demi, 3 mois, là. Ma femme est toute seule avec les enfants. Elle vient d'accoucher, là, une petite dernière, là, la belle Samantha. Oh, mon Dieu, ouais, 3 semaines. Pas le temps de partir, là, là. Qu'est-ce que je vais faire? Surtout elle, moi, je sais où je m'en vais. Ben, je sais pas où je m'en vais, mais je sais que pour elle, ça reste très difficile. Faudrait qu'elle se trouve un amant. Puis pendant 3 mois, on pourrait passer des auditions. Puis dire, moi, je pourrais lui dire, ben, peut-être pas lui, ben, peut-être celle-là. Oh, mais hey, c'est nous une fille, on sait pas les filles. Une belle noire, aux cheveux noirs, aux yeux noirs, là. Avec un sourire exceptionnel qui pourrait te faire réveiller, là, qui pourrait réveiller en toi le matin la joie de vivre. Mais non, c'est là, on m'a dit qu'il reste plus grand temps. Puis, oh mon Dieu Seigneur, oh là là là là là là là là là. Pac-Man, ça fonctionne. Oh, puis là, la papillote, ah ouais, elle pique sa papillote. Oh mon Dieu Seigneur. Auriez-vous pu commencer votre émission avant? Avant quoi? Crétac de crétac. Ben avant minuit. Ah oh, non, parce que à minuit, tout se transforme, là. Hein? Les émissions avant minuit, c'est ton oreille a soif. Puis quand elle a soif, l'oreille, elle saigne de la bonne musique. De la musique. C'est une chanson douce que chantait ma maman en suçant mon pouce tout en m'endormant. Cette chanson douce! Les seules personnes qui ne savent pas ce qui se passe de positif et d'intéressant au Québec, ce sont les Québécois et les Québécoises. Les autres le voient très bien. Ils décident même d'y rester. C'est merveilleux. Fait comme l'oiseau. Pardon? OK. Le mal soudain qui envahit l'habitacle de la conscience, le réceptacle de l'acceptable ou de l'inacceptable dans une société qui s'exhibe dans l'immoralité. Oui. L'immoralité, où se trouve la clé du confort, de l'éthique, sans tomber dans le synthétique, le presque naturel, le réel au pays de Walt Disney. Attention! Attention, un niochon peut en cacher un autre. Comme on dit, dans le milieu du pneu, t'es crevé! Crevé, le pneu. Hein? Non, je me prends. Non, je suis pas un onde, je ris comme un onde. T'es crevé, la pomme. Ta pang pang. Ah ouais, mon petit gars, ta pang pang. Non, ta pang pang, mon petit gars, je cherchais le micro. Je suis en train de chanter devant le micro, je cherchais le micro. Oui, il y a le micro, là, il y a le micro. Il est là devant toi, voyons donc, mon insignifiant personnage numéro 2. Tu feras pas un poids numéro 1, là. Concentre-toi. Rentre-la dans le trou. Concentre-toi. C'est juste un petit trou. Un petit trou, un dernier petit trou. Un trou de seconde classe, un trou de première classe. Et on me laisse dans ce trou. Il y a des trous. Comme on dit, dans le milieu du pneu, t'es crevé. Dites ça à vos camarades lundi en rentrant au travail, là. La mine basse, le bureaucrate qui rentre la cravate à terre, la langue à terre, les yeux à terre, tout est à terre, c'est lundi, oh non, 4 jours pour me remonter, oh non, ben on oublie le lundi, je suis réveillé, moi, là. Réveillé pas trop, là, mais mes 18 cafés vont faire effet, mes verres de contact vont pogner dans le tympan, là. Je sais que ça va pas dans le tympan. Mais c'est parce que je me prépare à les placer dans mes yeux. Après, ça colle mieux. Ouais, c'est la cire. Pas la scie, la cire. La scie, c'est le chien. La cire, c'est la cire. T'as connais-tu Marianne Saint-Cyr? Ça n'a rien à voir avec la cire. Marianne Saint-Cyr est obligée de s'appeler Saint-Cyr comme ça. Pas de sa faute. Martine Saint-Cyr, la chanteuse Martine Saint-Cyr. Comment ça, Martine Sinclair, c'est Saint-Cyr? Martine Saint-Cyr, je connais, moi, Martine Saint-Cyr, ça a été mon ancienne copine. J'ai eu Martine Labitratova, puis après ça, j'ai eu Martine la cire. La cire d'abeille, au moins, bourdonnée. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Ah, merci. Je louchais à l'époque. Je louchais. Connaître nos zones d'ombre, en savoir plus ou moins le nombre, pendant toute une vie, ne pas les confondre avec la bête noire qui gronde juste à côté, bien alitée dans sa banalité, attendant avant de se réveiller par le bruit des sirènes. J'aime bien ta fin, t'es vraiment, t'as travaillé en studio avec les plus grands comédiens. Oui, il y avait le concierge qui était présent. La veilleuse, ça, c'est pas son ancienne copine, là, c'est la veilleuse de nuit. Elle a veillé à faire ses mots cachés à l'envers parce qu'elle était tellement bonne. Elle était tellement bonne. Numéro un. Ah, toujours des petits poids. Numéro un. Oh, rien à dire. Elle faisait ça les yeux fermés, la langue sortie. Un brin de salive descendait de sa bouche. J'étais peureux. J'avais peur. Je disais, elle va mordre. C'est comme les vampires, hein? Ça ressemble à pas grand-chose. À un moment donné, ça saute dessus puis ça t'arrache des morceaux de toi-même. Là, je dis, moi, ils ont donc pas un autre manata. Un autre qui aime manger du monde. Il y en a-tu du monde qui aime manger du monde, hein? Avertissez-nous avant, là. On va te manger. Ah, ben là, attends, là. J'ai juste 22 piastres. Mangez pour 22 piastres. On mange gratis. On mange gratis. Vous allez vous sauver, c'est ça, hein? Vous allez manger pour vous sauver. Je connais ça du monde de même, moi. Mmh. On barre les restaurants. Hey, tantine. Regarde-moi ça, là. Les trois énergumènes qui viennent d'entrer, là. L'autre, la calotte à l'envers. Tu de l'eau, pas de glace, l'eau, pas de glace. Barre la porte. Appelle la police, on va les servir. Mmh. Chut, un peu mieux. Moi, je vais te remplacer. Moi. Attends un peu. Monsieur, madame? Okay. Madame? Vous venez d'arriver à la table? Vous avez une voix quand même. Vous êtes une grosse fumeuse. Ben, grosse, vous n'êtes pas grosse, mais vous êtes fumeuse. Vous fumez pas mal, hein? Attends un peu. À votre voix, là, ce serait des corsés, là. Sans embout, là. Faut crever, là, hein? Oh, c'est merveilleux. Continuez comme ça, hein? Mais je vous conseille 3 paquets. Comme ça, dans 1 an et demi, ça risque de... Ah oui. Comme un petit poulet. Bien cuit, là. Bon. Là, c'est quoi? C'est vos enfants, ces 2 affaires-là, là? OK. Félicitations. Ça mord-tu? Ça mange-tu? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça, c'est presque étudiant, ça? Bon. Au niveau quoi, ils ont 22 ans, sont en secondaire 2. Ils vont peut-être descendre en secondaire 1. Je leur souhaite la maternelle avant la fin de leur année. Des beaux bricolages. Ils vont vous faire des belles affaires. Oh. Du papier peint là, que vous allez pouvoir placer dans votre salon. Parce qu'on m'a dit que votre salon était dada. Non, il n'y avait pas des draps dans votre salon, mais c'était un peu fade. Il manquait peut-être des grands peintres, là, comme... De Verchier-Mercier. Non, ça, c'est un animateur de radio. Comment il s'appelle, non? Tandem et Causé. Non, c'est pas... voyons donc, attendez, madame. Bon, je veux dire, le fromage, là, le... Elle l'appelle Riopelle. Riopelle? Jean-Pierre, Jean-Claude, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Pelle. Non, elle appelle pas Bac parce qu'il l'a pas eu, lui. Même pas de Bac, puis ça s'appelle Jean... Hey, il ose avoir... Premièrement, j'aime ça parce que c'est... Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, premièrement. Il se fait appeler Bac, puis il n'en a même pas de Bac. Il n'y a rien! Il n'y a pas de formation intellectuelle, lui, là. Il fait juste pianote. On va l'appeler Jean-Sébastien Bac, là. Hein? Il va faire carrière. Mais non. T'as pas de talent. C'est comme Showman qui se cachait en arrière de Showman. Showman était en avant, il faisait son one-man show. Hein? Showman show. Puis en arrière, il y avait Showman. Et Showman, il dit, oui, comment il pianote, lui? Ting, ting, ting. OK. Hey, c'est ça, le man derrière regardait le Schubert en avant. Il y en a des copieurs de même dans la vie. Des copieurs. Comme disait M.C. Solar, imitation égale limitation. Limite-toi à refaire ce qui a déjà été fait. Ah oui. Endors-toi sur ton succès. Refais tes vieilles chansons. Fais tes reprises avec des duos. Tiens, le petit duo féminin, là. Hein? Quoi, t'es un chanteur, t'es un texte-métal. Quand il me reste, non. Et puis, ça fait des bon, pas Carreras, c'est morte. Ben oui, elle est morte. Excuse-moi, je ne voulais pas te la prendre de même. On parle beaucoup de mort ce soir, là. Mais la nuit, c'est propice à ça, à mourir. Hein? Il fait noir, on veut se laisser aller. Ouf. On se laisse aller dans les rêves. Des fois, on trépasse sans le vouloir. Hey, on nous dit souvent, je ne sais pas si c'est vrai, là, hein? Quand tu rêves que tu tombes en bas d'un édifice, que tu arrives au sous-sol, que dans la vie, tu meurs aussi. Il paraît. Pas scientifique, là. On fait des études à Shawinigan. Tijan, mais peut-être... Non, pas Tijan Carignan, mais Tijan Chrétien, mais t'es pas arrivé avec... Eh oui, écoutez, j'ai étudié en économie. Que voulez-vous? Des balles de golf, que voulez-vous? À tous les va-nu-pieds, aux invertébrés bureaucratiques, aux branleurs de fin de semaine, on l'a fait la semaine dernière, aux buveurs de Molson et de Labatt, aux fumeurs de cigarettes les moins chères, aux bigotes de dépanneurs, aux faux bourgeois du Vieux-Québec, aux prêcheurs de morale de bas de gamme, aux consommateurs de Télévicon et à tous les juges sans soutane, je vous souhaite quand même la bienvenue à mon émission! Il pensait être accueilli avec un coup de pied dans le derrière. Jamais de la vie. On va garder ça pour l'autre. Et puis donc, Monsieur le Président. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Les feuilles tombent quand l'automne est là. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Fring! T'as-tu vu les petites étoiles, hein? Fring! Ferme tes yeux, ouvre la bouche, tu verras, ça ira mieux. À la bouche. Fring! Hey, je l'ai vu. Qu'est-ce que t'as vu? Des étincelles. Bon. Repose-toi un peu, là. Deux semaines de vacances, ça te ferait du bien. Étincelles. Non, oui, étincelles. Faut pas le déranger. Non, Madame Tremblay. Faut pas le déranger, il est assez dérangé. Hey, je me souviens quand j'étais petit, j'ai déjà été petit, il y a deux semaines. Et je me rappelle de l'émission anglaise, sans doute faite en Ontario. C'est un royaume. On voyait un plan éloigné d'un royaume. On descendait le mât et puis on rentrait dans le château. Et dans le château, là, il y avait, je ne sais pas si c'est un chameau, en tout cas, puis il y avait une genre de petite souris. Puis là, il déplaçait, l'animateur, qui est un genre de prince, déplaçait des chaises miniatures. Vous vous souvenez de ça? Envoyez-moi un courriel, quel titre que ça avait. Puis si vous avez le générique sur YouTube, envoyez-moi ça à Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, @commercial.com ou appelez pas à CKRL parce que je peux pas répondre. Alors, j'ai les mains pleines. La bouche, je vous dirais même pas si j'ai la bouche pleine, ça serait gênant, là, mais j'ai les mains pleines. Et puis, comment je veux savoir? J'ai dit j'ai les mains Jojo, ça... Mais plein de choses à voir, gâteau, toi, t'es fou. Ah, t'es folle, tu as changé de sexe. Oh, c'est le même, hein? Tong, comme ça, le ping, et c'est tabac. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, on le dit, hein? Fring! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, feu, feu, feu, feu, et feu. Faut faire feu sur Facebook. Attention, la mire, là, hein? Facebook est juste là à votre droite, là. On va caler Facebook. Savez-vous comment caler l'orignal, madame? C'est très... Attends, je vais descendre d'un étage. OK. Pour l'écran, t'es... à la télévision. Pour qu'on me voit le beau visage. Non, j'ai fait briller mon dentier. C'est pas pour rien. Ah, j'ai oublié de me le dire. Oui, je sais. La colle après. Je sais. On va laisser la chanson de Nina Fernandez tout à l'heure jouer. Pendant ce temps-là, je vais... Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oh oui, callie. Callie, c'est appeler. Pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de cellulaire, l'orignal. Faut savoir imiter la femelle pour que le mâle arrive. Le mâle, on appelle ça un buck. Rien à voir avec la bière, monsieur, là. Le buck, c'est celui avec le panache. Hein? Le gros qui arrive dans la forêt. Regardez, les feuilles sont froissées. Là. Alors, pour caler l'orignal, très simple, vous fermez votre tibia vers la gauche. Si ça ne ferme pas, je vous conseille de vous casser la jambe. Alors, pour ce faire, vous prenez un marteau. OK. Et d'un coup sec, ça fera pas mal. Sur le coup, oui, mais après ça, vous ne sentirez plus rien. Vous allez vous évanouir. Quand vous allez revenir à vous, OK, votre tibia risque d'être en avant de votre bouche. Là, après ça, vous allez pouvoir caler. Hey, attendez, là, avant de vous casser le tibia, je vais vous raconter, non, avant de perdre connaissance. Là, Woody Allen vient de faire un film, là, cette année, là, en fin d'année. Ce qui m'énerve des pseudo-analystes cinématographiques, surtout les critiques, pas des analystes, les critiques. Je parlais de ça l'année dernière avec quelqu'un, je me souviens même plus qui, je rencontre tellement de personnes là-bas. Là. Là-bas, ça c'est en France, je m'en de dire, parce que les gens, ben, si tu vas en France, ben oui, calme-toi. Là. Prends ta dose, là, calme-toi. Bon, quand tu vas te casser le tibia, après ça, tu vas être bien content de pouvoir revenir à toi. Yes, c'est papillote. T'as-tu ta papillote? Papillote. Ça va te partir après. Hop. Et on va coller l'orignal. Faites-vous-en pas, puis on va parler de ce qui s'est passé. Mais je m'en souviens déjà plus, là. Attention. Prends des notes. Gaétane, ça, c'est ma script. Gaétane, ma script. Ma petite script. Prends ça en note, OK? arrête de rire. T'as-tu un crayon? Feu, 3 pouces. Noir. Merci. Et donc, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit « Ah, oh, ben, il y a... Ah oh, oui, c'est Claire Vassé. Claire Vassé qui a écrit le livre sur Claude Miller. Ah oui, c'est elle. Hey, wouh, on est en forme. Wouh. Et elle m'a dit « Ah, oh, non, mais quand même, un critique, c'est pas n'importe quoi. » Mais je suis pas vraiment d'accord avec elle. Mais je la respecte. Je vous respecte. Et pour moi, un critique, c'est quelqu'un qui n'a pas de formation cinématographique et qui dit que le film est bon, mais il ne nous dit pas pourquoi il est bon. Quel est le rouage cinématographique qui peut en... Hein? Peux-tu être plus clair que ça? Oui. Quels sont les rouages cinématographiques qui parvient à nous faire croire que ce film-là est meilleur qu'un autre? C'est ça, être analyste. C'est de vérifier le plan de caméra, hein, le dialogue, bande-son, tout ça. Bon. Et plus encore, là, je réduis synthétique. Moi, quand je réduis, normalement, c'est synthétique. Et je parle beaucoup de synthétique depuis 3 semaines, avez-vous remarqué? Et donc, l'histoire veut que Woody Allen vient de faire un film et on le ramène toujours à ses anciens. Écoute, Annie Hall, c'est Annie Hall, c'est un chef-d'œuvre. Manhattan, c'est un chef-d'œuvre. Bon, quand Woody Allen fait un film ordinaire, on dit de ses œuvres, « Ah, ben écoutez, c'est un moyen Woody Allen. » Mais quand tu compares ça au cinéma mondial, un film de Woody Allen qui est ordinaire, c'est un excellent film généralement acceptable. Même chose pour Scorsese. Écoute, il a juste fait un Taxi Driver. Juste un. C'est un chef-d'œuvre. C'est merveilleux. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Je le regarde encore. Là, il y a des plans du taxi au ralenti, la fumée et la bande-son extra jazzée, merveilleux de Hey, man. Hey, man. Non, c'est pas lui. Hey, man. Non, c'est pas lui. Mais c'est pas important. Ce qui est important de savoir, c'est que ça reste un chef-d'œuvre. Donc, pour caler l'orignal, hein, pas si pire, hein? Je suis comme Clémence, moi, je fais des nids. Attention, là, c'est du sérieux. Cassez-vous la jambe, le tibia, laissez faire. Non, c'est une blague, là. Prenez pas ça comme de l'acquis, là, hein? Tout ce que je vous dis, là, relaxez. Prenez un petit verre d'eau, pas de glace, même tiède, tirant sur le chaud pour vous relaxer. Bon, respirez par les oreilles et laissez-vous aller le museau. Bon. OK? Donc, je vais vous caler l'orignal. Êtes-vous prêt? Oh, excuse-moi. Êtes-vous prêt? Là, faites attention, il peut surgir de n'importe où. Surtout des draperies. Éloignez-vous des fenêtres. Baissez le son parce que... Ça prend de la pratique, excusez-moi. Excusez-moi, ça prendra le temps que ça prendra, OK? L'émission dure 2 heures. Pardon? Non, c'est parce que je riais en même temps puis je soufflais. Chose à ne pas faire. Je suis comme, comment il s'appelle, donc, Bougenot. Je ris 15 minutes de mes blagues quand, au fond, c'est pas une blague. C'est assez emmerdant, ça, d'aller voir un spectacle puis le gars, l'humoriste, rit de ce qu'il va dire. Lorsqu'il le dit, c'est même pas drôle. Tu dis, voyons, donc, c'est quoi, là? Ben... Mon père est entré chez moi. Ouais, puis, où est la blague? T'en comprends pas, hein? Il est rentré chez moi. Oui, il est rentré chez toi, puis. Imbécile, d'accord. Il est rentré chez moi. Ben oui, il est rentré chez toi, puis. Arrête, il est rentré chez moi. OK. Je fais mon Michel Bougenot. Hey, mon père, non. Encore l'orignal pour les gens qui savent plus, là. Les gens qui sont un peu mêlés. Les gens qui ont bu trop d'eau chaude. Ça fait évaporer le cerveau. Ça fait du bien de se sentir québécois. Et de se joindre à nous pour nous dire. On va coller l'orignal, puis on va crier « Vive le Québec libre » tantôt, OK? Hein, on dirait que je comprends le langage orignesque. Suis-je devenu un original? Ah, écoute, Errance canadienne, ça a toujours été l'émission la plus originale dans la francophonie. Et l'animateur, lui, n'est qu'un animal précaire, très précaire. Ah, mon Dieu Seigneur. Aujourd'hui, oui, Facebook, venez plus loin qu'on le sait. Doux souvenirs de ma jeunesse. Aujourd'hui, le vendredi 7 novembre 2014, les errances. Aïe, aïe. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole. Bouffons la console. Non. Laissons sur la chaussée les valises. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de mon amie Ninda Fernandez. Je suis sûr qu'il va m'appeler pour me dire « je ne suis pas ton ami », mais ce n'est pas grave. Née le 27 octobre en Espagne, à Barcelone, de son véritable nom, Daniel Fernandez. Ninda Fernandez est un chanteur et auteur-compositeur francophone espagnol, dont la réputation se résume en une voix exceptionnelle, un talent de guitariste d'exception et des textes de grande poésie. Car loin d'être un artiste en herbe, Ninda Fernandez se consacre à l'art depuis sa jeunesse. Musique,

Non, Barcelone, non. C'est pas très reposant. Ok. Non, pas pour toi. Il n'y a pas un endroit où tu es. Non, je suis bien. Non, je suis assez bien partout, en fait. Ok. Fait que tu vas n'importe où et tu te sens là. Ouais. Ah, c'est bien. J'y prends ce que j'ai à y prendre, en fait. Là. Souvent, on se pose la question de nos racines. Alors, les gens au Québec, ils se disent les racines françaises. Pas du tout. Les Québécois n'ont pas de racines françaises. Ils ont des origines génétiques françaises. Mais les racines, elles sont là où tu te trouves. Mmh. Sinon, t'es toujours mal. Alors moi, mes origines, elles sont espagnoles, arabo-andalouses, j'en sais rien. Tu vois. Mais mes racines sont là, en ce moment... Et là où je me trouve. Ici, maintenant. C'est tout le monde. Et ça peut changer, en tout cas. Nina Fernandez nous parlait de son album conceptuel avec les musiciens d'Ale Bachung. Je vous fais profiter de l'œuvre complète de ce qu'il nous divulguait il y a de cela quelques minutes. Maintenant, vous êtes à CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez Errance Rinaldienne. Tour de taille. Je t'ai suivi quand tu passais en die. Je pense que c'est pas le bon disque. Gaétan, on peut-tu vérifier autre chose? On va le vérifier. Écoute, on va te laisser une chance. À ma mère petite femme étrangère pour qui j'ai chanté l'amour, pour qui je chante toujours. Comme la tour de Pise, pour penser qu'on nous prend pour des cons quand on nous explique la crise à la télévision. Qui aura un jour les couilles de prononcer l'extrême onction pour les bourses et la magouille de la spéculation? Qui arrêtera la racaille, celles qui entassent des millions en jouant sur le travail de la population? l'espace avec des platitudes. Mamie, tu saoules, t'es vraiment qu'une moule. Tu t'accroches au micro et tu tires dans la foule. Mamie, tu gaves, t'es vraiment très grave. Tu parles à des gens et tu veux des walk. vida, aunque sin jardín, aunque oscura y troglodita. ¿Quién te diera, quién te va a quitar? ¿Quién negara y quién te va a dejar? ¿Quién pudiera, quién no puede más con tanta preguntita? Te quiere mal, concretamente y a tiro limpio. Siempre la gente quiere cantar esta cancioncita. Qué sabor la vida de este señor. Aunque no es un delirio, tampoco pienses que es un martirio. Qué destino, la vida vale un pepino. Pero aunque te des con ella, tampoco digas que te atropella. C'était les hommes en noir avec de gros cigares. Cette race de gens qui parlent pour ne rien voir. Je leur racontais tout, je leur expliquais tout, même s'ils étaient là pour ne rien voir du tout. Voyons messieurs, un peu de sérieux. C'est pas trop dur d'ouvrir un peu les yeux. Ça se voit comme un récif dans la baie de Sétif. Ça se voit comme un mourant dans un grand restaurant. Où que l'on aille, Et voilà le travail de Nilda Fernandez. Ce qui me plaît là-dedans, c'est de sentir les débuts de chansons. Et ce qui me frustre, c'est de ne pas entendre la fin de la mélopée. Et je lui ai envoyé un courriel lui disant ce que je viens de vous divulguer. Et j'espère que tout ça arrivera à terme, hein, parce que ce qui m'a intéressé, c'est de vous faire entendre et partager ce que lui m'a remis avec beaucoup de fébrilité en me disant ben écoute, je te laisse ça, écoute-le, c'est unique. Vraiment, il y a très peu de personnes qui le détiennent. Donc, j'ai cru bon ce soir à Errance Rénaldienne à 1h07 du matin, vous faire partager le cadeau de mon ami Nilda Fernandez. Et j'espère que vous avez apprécié. Et on lui souhaite, envoyez-lui des courriels. Hein. Il est sur Facebook, il est partout sur Internet, sur la planète. Si vous partez en Espagne, en Abitibi, en Suisse, en Belgique, en France, n'importe où. New York, New Hampshire, New Hampshire. Est-ce que c'est un... Non, c'est Rénal. Non, Raymond, oui. Raymond, est-ce que New Hampshire, c'est aux États-Unis? New Hampshire, New Hampshire. Oui, mais ça pourrait être à Londres. Mais New Hampshire. Mais New Hampshire, New Hampshire, New Hampshire, toi-même, toi, là. New Hampshire, New Hampshire. New Hampshire. Ben voyons donc, toi, comme toi, New Hampshire. Hey, New Hampshire. Ben oui, New Hampshire. New Hampshire, c'est New Hampshire. Ben voyons donc. John Irving, dans son film, dans son livre, et qui est devenu un film, Hôtel New Hampshire. Regardez ça, le chien qui pète. Ça fait tout le temps rire, un chien qui pète. Le mien, là. C'est sournois. On ne l'entend pas péter, mais on a senti qu'il a pété. Tu dis, oh, il y a eu un vent, là. Hein? Le vent du nord part au galop. Oh. Tu viens de péter, toi, mon hein? Tu viens de péter. Oh, ouais, tu viens de péter, oh, mon petit. Là, tu peux pas le blâmer. C'est un petit toutou. Tu l'aimes partout, même tu pètes. Même où ça pue, tu l'aimes. Tu l'aimes partout, les oreilles. Hein? Les crocs, même s'ils te mordent, tu joues avec, ils te mordent. Le mien, c'est un bulldog. Ben, il te mord pas, lui. Il t'arrache la peau. Hey, redonne-moi ma peau. Là. C'est à moi. Mon corps est à moi. Il comprend pas ça, lui. Quand il l'aime, il l'arrache, lui. Ça fait penser à mon ancienne épouse. Une ancienne lutteuse. Qui, elle, était employée pour... c'est une plombière. Dans le sens que quand l'autre pouvait pas, parce que j'ai mes règles, hein, j'ai eu mes règles, puis... Hey, je crois sincèrement que je suis enceinte. Hey, ça fait... Elle a fait passer ça à mon ancienne épouse à 17 reprises qu'elle était soi-disant enceinte. Elle, à la fin, mon épouse, avait la vérification. Vous savez le petit truc, là, elle fait pipi dessus, puis là, on vérifie s'il y a... Avant chaque combat, là. Elle dit, ah, non, mais je crois que je suis enceinte. Écoute, viens ici. Ah, non, je t'entends. Non, hey, fais pipi dessus. T'es pas enceinte, vas-y, va lutter. Parce que c'est qui gardait le cachet? C'est elle, la voleuse. La femme soi-disant enceinte, là. En tout cas, ça, c'est une histoire ancienne que je ne veux pas oublier. Parce que quand t'oublies pas, tu gardes tout ça dans le tiroir. Quel tiroir? Moi, c'est le troisième. Il y a les bas, hein? Et puis après ça, en dessous des bas, il y a la mémoire. Puis après ça, il y a les sous-vêtements. Et quand tu ramènes les deux, c'est intéressant parce que sous-vêtements, c'est au tronc, hein? Jacques, est-ce que c'est au tronc, les sous-vêtements? Et moi, c'est au tronc, hein? Oui, OK. Oui, ma vie est un cactus et il est impossible de savoir. OK. Et puis les pieds, c'est les bas, hein? Pour, selon moi, là, dans ma vie, là, il y a les hauts puis il y a mes bas. Mes bas sont toujours noirs, mais en dessous des bas noirs, il y a des bas blancs. Pourquoi je mets deux paires de bas été comme hiver, printemps comme automne? C'est parce que qu'est-ce que les filles regardent chez un gars? Le regard. Mais aussi les bas. Ouais, mais le mec a les bas blancs, là. Hein, il est pas sympathique, c'est un connard. Le bas blanc, bas blanc, bas blanc. Là, ils se souviennent aussi, dans les années rock'n'roll, il y avait les chaussettes noires. C'est pas les chaussettes blanches, c'est les chaussettes noires. Fait que là, je mets des bas blancs parce que moi, j'ai les pieds plats, les oreilles plates, les dents creuses, l'estomac vide. Puis, comment, la vésicule biliaire, elle va très bien, la vésicule. Même, je lui ai parlé avant-hier. Je lui ai dit, vésicule. Et mon dos. Biliaire. Biliaire, comme aujourd'hui. La comprends-tu? Mon dos, tu me sembles, comment, sirupeuse? Si frotteuse. Tu te frottes à qui, toi? Ma vésicule biliaire que je t'aime. Attends un peu, là. C'est pas ta réplique, là. Ma vésiqueuse biliaire que je t'aime. Biliaire dans le sens de bile, là. Tu t'en faisais pour moi. Fais pas de moi une bile. Non. En passant, là. Non, toutes les vannes sur les billes, on va les faire. Fais tes vannes, on va les faire, les vannes. Attention, enlevez-vous du boulevard, Madame Tremblay, parce que les vannes vont arriver. Ben oui, non, la vésicule. Sois biliaire. Okay. Mais moi, pourquoi moi j'oserais dire Bill Champagne? Parce que Bill Bière, moi, je suis pas très bière. Je suis un garçon de classe. Là, on me dit, c'est le petit pincé en haut, là. Non, c'est le gros crotté à gauche. Riro. OK. Mais, Madame Bélière, car c'est votre nom. Eh, mon Dieu Seigneur. Il me semble que vous avez, comme vous, la Rotary. Hein, la Rotary? Elle la comprend. Oh mon Dieu, hey, quand même, elle a l'esprit vif. Vive. Avez-vous l'esprit? Êtes-vous vivement vive? On va l'essayer parce que le public là, commence à en avoir ras-le-bol, la vésicule. Vésicule. Il y en a des belles, il y en a des folles, il y en a de toutes, de cette fofolle. Vésicule. Il est fou. Enfermez-le, M. Gaétan Bossé. Vésicule biliaire. Biliaire comme aujourd'hui, mais plus aujourd'hui qu'hier. Tu rends jaune la personne qui se rend compte que tu ne fonctionnes plus, hein? Vésicule. Est-ce que je peux te parler en tant qu'ami? Puis vésicule, est-ce que je peux garder simplement ce prénom? Parce que je pourrais dire vésicule biliaire, là. Mais comme on se connaît depuis quand même, j'ai quoi? Moi, j'ai 33 ans, 34 demain, 36 après-demain, 49 la semaine prochaine et 150 ans dans deux semaines. Vésicule. C'est toi là-bas dans la bille. Tu ne l'as pas payé ton bill. Vésicule. Arrêtez de rire, vous autres. On rit pas, on est assoiffé de savoir qu'est-ce que tu vas dire parce qu'on comprend plus. La vésicule non plus, hein? Elle en reçoit sur elle. Hey, c'est quand même assez effronté, vésicule, hein? On t'en fait voir de toutes les couleurs, puis on te dit fonctionne. Puis quand t'arrêtes, on se dit, ben voyons donc, toi. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour la dernière fois. Nous allons entendre vésicule biliaire. Une main d'applaudissement pour vésicule biliaire. Dans son prix d'interprétation ce soir. Au Oscar. Non, c'est Oscar. Au Oscar. Au Oscar. Au Oscar. Au Oscar. Au Oscar. Au Oscar. Au Oscar. Au victoire. Ce soir. Le gagnant est. Vésicule biliaire. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Mais malgré tout, c'est pas important, il s'en souviendra même plus. Cette semaine, et ce jusqu'à épuisement, Woodstock, épuisement du concept, excusez-moi, Madame Tremblay, on va nommer votre nom dans quelques minutes. On le dit, Madame Tremblay! Nous marcherons, squeezerons, éplucherons des habillerons et lèverons à bras de mou celui-ci pour en observer. Pour en observer simplement la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe barbelé. Non, étant moi-même un mouton, derrière les barbelés de mon existence, je ne peux sortir sans être certain de pouvoir la sauter, la clôture. Sinon, je vais me faire mal, puisque c'est du barbelé. Ça accroche. Quand ça accroche, ça déchire. Quand ça déchire, ça fait mal. Quand ça fait mal, hein, madame, vous avez accouché de 3 enfants, vous, en même temps, en plus. Les 3 voulaient passer des triplettes de Belleville. Puis, s'imaginaient eux autres sortir d'un boulevard. C'est pas un boulevard. C'est pas le boulevard. C'est sortir du ventre de ta maman. Un après l'autre. Pas tout le monde en même temps. Eux autres ne le savaient pas. La mère dit, ah, je déchire. Ben oui, déchire, chérie. J'en ai déchiré des chèques pour toi. J'ai déchiré des contrats. J'ai déchiré mon existence pour toi, ma chérie. Déchire. Non, elle dit, non, je déchire d'en bas, en mon dos. Et moi, j'ai déchiré d'en haut, moi. J'ai déchiré d'en haut. Ma tête a déchiré. Mon esprit a déchiré. J'ai fait 3 ans dans une psychiatrie. J'ai-tu déchiré assez à ton goût? Si tu peux déchirer en bas, ça ferait plaisir. On déchirera ensemble la même mesure. Moi, c'est 3,5 cm, m'ont dit. J'ai perdu 3,5 cm d'intelligence. Toi, sans bas, écoute. Là, elle m'a dit, ouais, mais toi, si je déchire, je n'en tirerai plus rien. Dans le sens que si je déchire, si je regarde des avantages qui ne sont pas des avantages, qui sont des nuisances publiques, pudiques sans doute, j'aurais plus de plaisir. Ben, moi, t'as acheté des instruments. Il y a des instruments de torture qui existent, là. La poulie électrique. La sansodine originale. Et puis, il y a aussi le cirque de Tombouctou. Hey, t'as-tu déjà connu ça, toi, le cirque de Tombouctou? C'est tous des clowns qui viennent te faire devant toi. Puis là, si tu viens pas à rire et puis de jouir de ces rires-là, c'est que t'as pas le sens de la comédie. Comme disait un ami de Fluide Glacial, quand tu n'as plus le sens de l'humour, tu n'as plus le sens des affaires, puis tu n'as plus le sens de vivre. Parce que la simplicité même de la vie, c'est à travers le rire. Quand il n'y a plus de rire, il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus de bonne bouffe, là, de bonne nourriture avec des amis ou seul, avec ton entourage intellectuel, il n'y a plus rien. La vie, c'est juste ça. C'est simple. Voici, dis-nous la morale. Non, je n'ai pas de morale. Aucune morale, au contraire. Je suis un. Comme Romère a fait les condits Moreau, Jean-Luc Moreau, le grand comédien, et le grand humoriste, qui faisait René Lévesque incroyablement bien. J'ai vu un spectacle de lui quand j'étais petit. Que j'avais payé avec mon argent parce que je livrais des journaux. J'ai vu aussi la belle job de fou. Ah oui, j'avais payé avec mon argent. J'ai vu Jean Lapointe et tout ça. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est de garder notre sens de l'humour. Même si on a l'air innocent, avoir le sourire continuellement. Hey, jolie Jane, te souviens-tu du film de Gainsbourg, Je t'aime? Je t'aime, moi non plus, un joli t'aime.

Ouais. Puis, c'était un grand ami de Pratica. Donc, oui, oui, bah oui. Bah. Ils se connaissent depuis très longtemps. Bah oui, ils ont travaillé ensemble, ils ont eu un trio. Au tout début de leur carrière, puis en fait, ils ont eu un grand succès au Québec. Avec le Bozo Band. Bozo Band. Le Bachi Bozo Band, c'est leur nom. C'était incroyable. L'improvisation sur scène, c'était assez psychédélique et assez irrévérencieux. Dis-moi, Rolo, d'abord, pourquoi un blouson noir? Dis-moi d'abord, est-ce que c'est vrai que t'es un loubard? Un blouson noir, moi, je trouve ça beau, et puis ça me tient chaud. Et puis, je vais te dire un truc, mon gars, ça fait peur aux bourgeois. Mais pourquoi d'abord est-ce que les bourgeois, il faut leur faire peur? S'ils seraient vraiment dangereux, c'est nous qu'aurait peur d'eux. C'est leur connerie qui est redoutable, et puis n'oublie jamais qui sont les complices du pouvoir, des flics et des curés. Ton bon Dieu, il est mort avec Jésus sur la croix. Ils l'ont crucifié avec trois punaises et puis il s'est barré. Ah, vraiment, tu respectes rien, on se demande ce que t'aimes. À part ta gonzesse et tes copains, que je sais même pas si t'en as. J'aime la vie, les coquillettes, le musette et la bière. Puis fumer une bonne vieille goldo en écoutant chanter Bruant. Où je te renvoie à tes vieux. Sans même demander la rançon, tu commences à me gonfler. D'abord ta chanson, elle marchera jamais, puisque elle rime même pas. Et puis il n'y a même pas un refrain, c'est pas populaire, Benen. C'est vrai qu'elle est un peu bâclée, c'est parce que sur mon Dix, des chansons j'en avais que neuf. Il m'en fallait 10. Thank you. ne te retournes pas. Oh, pas. Fais ce que tu dois faire sans moi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Pars, et surtout, te retourne pas. L'enfant, il est là, il est avec moi. C'est drôle quand il joue, il est comme toi. Il a du cœur, il aime la vie et la mort. Surtout ne te retourne pas. Au part. Mais qu'est-ce que t'as? Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Alors pars. Et surtout ne te retourne pas. Oh. C'est pas... c'est pas un journaliste de France Culture qui va se placer au micro, c'est monsieur tout le monde qui a des idéologies, bien sûr de gauche, pour être dans la région de pouvoir, mais une idéologie peut-être réactionnaire, mais c'est ça. Et c'est ce qui est bien quand tu me radio, tu te fais poser des questions. C'est ce qui manque avec certaines chaînes radiophoniques. Moi, je me souviens qu'une fois, dans une radio, je ne me souviens plus qui avait dit, c'était quelqu'un qu'on interviewait. Et j'étais tout dans un appartement, de la peinture, je me souviens. Et quelqu'un avait dit à la radio, les artistes sont les seuls qui peuvent dire la vérité. C'est lourd, hein? C'est lourd à porter. Et évidemment, il n'a pas dit les seuls qui disent la vérité, parce que c'est loin d'être vrai, mais qui peuvent dire la vérité. Et ça, c'est à la radio. Ouais. C'est resté comme un... C'est sûr qu'à travers les chansons de Bob Dylan, de bien des gens, de Leonard Cohen, de bien d'autres, ils essaient de promouvoir l'humanisme, puis toi aussi d'ailleurs, tu promouvois... Oui, mais moi je l'ai entendu au-delà de ça. Tu peux mentir en chanson, non c'est... Ah, mais ça. Je dire de la vérité, d'abord disait pas les chanteurs, les artistes. C'est-à-dire que l'artiste, c'est peut-être celui qui peut être en position de pouvoir dire la vérité. C'est-à-dire qu'il ne doit rien à personne, s'il veut. Il peut être l'obligé de tout le monde aussi. Et à ce moment-là, il ne dit plus la vérité. Et après, il ment. Hein? On est passé une pute. Voilà. Alors que les hommes politiques, ils ont obligé d'avoir un pourcentage de voix. L'image. Pourcentage. Et que les journalistes, ils sont soumis à la rédaction et aux propriétaires du. Hein? C'est pour ça qu'ils essaient d'aller chercher des artistes, l'image. Peut-être. C'est ça qui est dommage aussi pour les artistes qui se brûlent sans le savoir. Tu sais, quand tu présentes pour un parti, t'es homologué. Il voit être libre, il n'a jamais s'associer à aucun des partis. Ah non, ta parole, elle est... Parce que ça peut changer. Hein. Ta parole, elle est oblitérée, quoi, elle n'est pas... Ah oui, c'est ça. Bien sûr. Alors, il faut rester authentique soi-même, indépendant. Dans tous les domaines, hein. Ah ouais. Qui qu'on soit et où qu'on se trouve. Ah oui. La seule satisfaction dans la vie, c'est ça. Ouais. Bon, je vais y aller. Hein. Merci d'être venu. C'est très sympathique. Tu vas où maintenant? Moi, j'attends ici. C'est ici? Oh oui, moi j'ai deux autres rendez-vous ici à 15h30. C'est dans quelques minutes. Oh non, laisse-moi, je vais payer. Ah, tu as le budget beau. Non, je te l'ai dit, je rêve. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Merci. Non, mais en plus, tous les albums que tu m'as donnés, voyons, hey. Que tu vas revendre sur eBay. C'est ça, oh, ben oui. Photographie, bien sûr. Ben, le dernier que tu as, là, que je t'ai donné, le medley, là. Oui. Je l'ai vu l'autre jour, parce que je le vends pas. Il était à 90 euros. Oh. Ah, ils le vendent. Ah, ça, c'est pas gentil, ça. On a écrit au mec. Ah ouais, ok. C'est une boîte qui vend ça, quoi. Ah, une boîte, c'est pas un individu, c'est pas non. Non, c'est un type, je sais pas comment il l'a eu. Oh. Une c'est boîte de bien. Vente de disques. Non, mais c'est pas bien. C'est comme beaucoup de. 90 de gens offrent des livres à la rentrée. Hein. Ok. Ouais. Des grosses maisons. Et il y a des journalistes qui revendent ça sur les. Bah oui, bah oui. C'est pour entendre. Bah, le disque, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est un disque pour le journaliste. Ça. C'est un medley, c'est même pas. Alors c'est un journaliste qui le vend, ou qui l'a donné, ou qui l'a vendu à un mec. 90 euros. Du coup, au début, les chansons sont même pas complètes. Ouais. Non, mais c'est pour un fan fini. Donc c'est pour ça que je ne veux pas même pour l'instant mettre mon disque en circulation. Est-ce qu'on va tirer? Et quand t'as envoyé ton... Ouais, on l'a envoyé, ils ont dit, ah, on ne savait pas. Oh, ouais. Ah ben c'est facile, hein. Ben oui, c'est le côté innocent de la chose.